Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La Terre est là. Ma Terre est proche. Nous volons à 1000 pieds. Paris a viré de bord. Cap sud-sud-est. Il y a 500 ans tout juste, 5 bateaux quittaient le port espagnol de Sanlúcar de Barrameda, avec à leur commandement un homme qui deviendra l'un des plus célèbres navigateurs de tous les temps, Fernand de Magellan. Il part en quête d'un hypothétique détroit, un passage qui permettrait de rejoindre par l'ouest les îles aux épices du Pacifique. À ses côtés, ils sont plus de 200 hommes à mettre le cap sur l'inconnu. Beaucoup ne reviendront jamais de ce voyage, mais les plus chanceux rentreront en Espagne 3 ans plus tard, après avoir effectué la première circumnavigation de l'histoire, le premier tour du monde en bateau. Qu'est-ce qui a poussé le Portugais Magellan à s'engager dans cette incroyable aventure pour le roi d'Espagne? Quels étaient ses véritables objectifs et comment s'est déroulée son expédition? Pour démêler le vrai du faux, Michel Chandaigne, éditeur, spécialiste de l'histoire des grandes découvertes, a rassemblé et confronté tous les témoignages directs dont on dispose sur l'expédition. Un travail qui n'avait jamais été réalisé et qui fait aujourd'hui référence. Il a notamment publié « Le voyage de Magellan, la relation d'Antonio Pigafetta du premier tour du monde ». Aujourd'hui, Michel Chandaigne nous emmène dans le sillage de Fernand de Magellan. Reverrai-je jamais ma patrie? Reverrai-je jamais mon épouse et mes enfants? Reviendrai-je un jour en homme riche, couvert de gloire et acclamé en héros? Quand? Mais quand reviendrai-je? Magellan en proie au doute et à la peur, tel que l'imagine un docu-fiction pour la série À la conquête du monde, diffusée sur Arte. Bonjour Michel Chandaigne. Bonjour. Difficile de ne pas imaginer que ce genre de pensée sombre ait traversé l'esprit de Magellan lors de son expédition mythique à la recherche du détroit qui porte aujourd'hui son nom. Oui, tous les marins qui partaient à l'époque savaient qu'ils avaient des chances de ne pas revenir, mais il faut dire qu'à terre, l'espérance de vie était très faible, il y avait des épidémies de peste, la maladie, donc le rapport à la mort n'était pas celui que nous avons aujourd'hui. Ouais, ce fut un voyage particulièrement dur tout de même. Oui, le projet de Magellan était évidemment un projet complètement inédit, et dans les préparatifs du voyage, beaucoup de marins ne voulaient pas s'embarquer sur un voyage qui semblait sans retour. C'était le voyage le plus long jamais entrepris. Et les bateaux devaient emporter des vifs pour 2 ans. Donc, Alors, certains attribuent à Magellan le fait d'avoir voulu prouver que la Terre est ronde. Ce n'est pas le cas du tout, hein. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Oui, c'est ce qu'on lit dans beaucoup de livres pour enfants, hein, et même pour adultes. Bon, à l'époque, tout le monde savait que la Terre était ronde. Les Grecs le savaient, l'Église n'a jamais dit le contraire. Ça fait partie des idées reçues encore très tenaces. C'est au 19e siècle qu'apparaît cette idée complètement fausse. Tout le monde savait que la Terre était ronde depuis longtemps. On ne savait pas si elle était circumnavigable ou non. Ouais. Et en effet, Magellan, par son voyage, a prouvé que tous les océans communiquaient entre eux et qu'on pouvait faire le tour de la Terre en bateau. Ouais. Mais ça, avant son voyage, on ne pouvait pas en être certain. Mais ça n'était même pas son but, hein, de faire le tour de la Terre en bateau. Il ne part pas avec cet objectif-là. Voilà, alors, ce n'était pas son projet. Il avait même interdiction de le faire. Alors voilà, il faut effectivement expliquer la situation maritime, géopolitique de l'époque, il y a 500 ans. Et depuis le voyage de Colomb en 92 et celui de Bartholoméo Diaz qui double le Cap de Bonne-Espérance en 1498, eh bien, les Portugais et les Espagnols se sont partagés le monde en deux, hein, comme une orange, verticalement. Ouais. Selon une ligne qui passe par le milieu de l'Atlantique et en gros vers l'embouchure de l'Amazone. C'est ce qu'on appelle le traité de Tordesillas, 494. C'est le pape qui suggère. Mais les Portugais écartent le pape, oui, pour éviter, parce que en 1492, tout le monde pense que Colomb est arrivé en Asie et que les Portugais vont y arriver aussi, mais par l'autre côté. Donc, risque de conflit. Donc, le pape suggère un partage du monde. Les Portugais écartent l'intercession du pape et discutent bilatéralement avec les Espagnols pour arriver à ce traité. Donc on coupe la sphère en deux, selon une ligne qui passe par le milieu de l'Atlantique, et tout ce qui est à l'est de cette ligne est aux Portugais, tout ce qui est à l'ouest aux Espagnols. Alors évidemment, de l'autre côté du monde, eh bien, cette méridien a un anti-méridien, et tout le problème c'est de savoir où ce méridien passe. Alors, Magellan, qui a navigué sur les routes de l'Inde entre 1507 et 1513, qui est allé à Malacca, qui a des nouvelles des Moluques, parce qu'un de ses amis y est arrivé. Les Moluques, ce sont les seules îles au monde où pousse le girofle. Mmh. Et Banda, pas loin, les seules îles où pousse la muscade. Donc, ouais. On est en Indonésie actuelle, dans le Pacifique. Magellan participe à la prise de Malacca en 1511. Il y a son ami, ça c'est très important, Francisco Serrano, qui part en expédition, qui va arriver aux Moluques, qui lui écrit des lettres en lui vantant ses îles, mais aussi leur éloignement. Et Magellan, quand il va revenir au Portugal, eh bien, va d'abord servir au Maroc sous les ordres pour le roi portugais, Dom Manuel. Il va être pris dans une sombre histoire de trafic de bétail. Enfin, en gros, sa carrière est bridée, ouais. Est brisée même au Portugal. Il est brouillé avec le roi de son pays, le Portugal. Sa solde n'augmente pas et c'est là où il fomente ce projet, qui est à la fois un projet amical, c'est rejoindre son ami. Mais en même temps, il suppose que les Moluques se trouvent dans la moitié du monde qui appartient aux Espagnols. Donc, pour être clair, les Portugais ont la possibilité de se rendre en contournant l'Afrique, en passant devant l'Inde jusqu'aux Moluques. Donc, ils ont la main mise les épices sur le commerce, voilà. Des Moluques. Et l'idée de Magellan, c'est de se dire, et si on passait par l'autre côté, par l'ouest, on trouvait un passage pour rejoindre les Moluques. Dans la partie espagnole du monde, trouver un passage, ça c'est la question au sud de l'Amérique du Sud, et de rejoindre les Moluques dans la partie espagnole du monde, mais il a quasiment pour ordre de ne jamais pénétrer dans la zone portugaise, donc de revenir par la même voie. Donc le projet de Magellan, c'est d'aller aux Moluques, aller-retour, c'est pas du tout de faire le tour du monde. Alors Magellan est portugais, mais c'est donc pour le compte de l'Espagne, du roi d'Espagne, qu'il veut mener à bien ce projet. On imagine à quel point il est satisfait quand il lit à sa femme et à ses proches le contrat qu'il vient de signer avec le roi d'Espagne. Joli. Étant donné que vous, Fernando de Magallanes, chevalier natif du Portugal, et Rui Faleiro, bachelier, également natif de ce royaume, vous proposez de nous rendre un grand service dans les limites de la zone de l'océan qui nous a été attribuée, nous ordonnons que l'accord suivant soit conclu avec vous dans ce but. Alors, le reste est fastidieux, mais en gros, Sa Majesté nous accorde l'exclusivité sur cette route pendant 10 ans. 10 ans. Et pour les îles, dis-le à Béatrice. Ouais, tu as raison. Carlos nous accorde 2 îles, si l'on en découvre plus de 6, et 1/20 de tous les revenus qui seront tirés des territoires que nous découvrirons. C'est fantastique. Et attendez, le roi a aussi transmis l'ordre à tous les fonctionnaires du pays de nous accorder l'aide dont nous pourrions avoir besoin. Le royaume d'Espagne tout entier est à compter d'aujourd'hui mis au service de 2 émigrés portugais, messieurs dames. Un extrait de « Autant on emporte l'histoire » de Stéphanie Duncan, diffusé en 2016 sur France Inter. Michel Chandaigne, est-ce la perspective de ces richesses et de ces terres à posséder qui motive Magellan ? Oui, bien entendu. À l'époque, on ne voyageait pas pour faire des exploits, mais pour s'enrichir. Ouais. Rester en vie d'abord, et s'enrichir. Et c'est vrai que le contrat là, énoncé est très clair. Hein. Il peut avoir la possession d'îles entières et le 1/20 des revenus sur toutes les autres. C'est colossal. Ouais. C'est aussi ce que réclamait Colomb. Alors, il va trouver le détroit, ça c'est le grand exploit de sa navigation. Et sa grande surprise, et sans doute mauvaise surprise, c'est de découvrir que l'océan Pacifique, dont il avait très bien prévu les dimensions, est vide. Ouais. Pauvre pas d'île, il traverse d'une traite jusqu'aux Mariannes. Oui, on aura évidemment l'occasion de raconter tout ça dans le détail. Pourquoi Charles Ier accepte de confier cette mission de la plus haute importance à un Portugais ? Pourquoi le roi espagnol confie-t-il ça à un Portugais ? Eh bien, c'est-à-dire que sur ces routes, ce sont les Portugais qui ont la plus grande expérience. Magellan revient avec une expérience de 6 ans aux Indes. Il est allé à Malacca, tout près de ces îles. Il revient avec un esclave natif de Sumatra. Et il amène avec lui Rui Faleiro, qui est un cosmographe à moitié fou, mais quand même qui a une certaine compétence. Et surtout, les cartographes portugais, Jorge et Pedro Reynel, les plus grands cartographes de cette époque. Donc, c'est lui qui a les compétences cartographiques, qui a les compétences nautiques pour mener ce voyage. Et ça, les Espagnols, même s'ils nourrissent des sentiments, disons, ambigus vis-à-vis des Portugais, ils le savent bien. Il reste à préparer donc ces 5 bateaux, 5 navires. Il faut les acheter, les armer. Le San Antonio, la Trinidad, la Conception, la Victoria et le Santiago, ce sont les noms de ces 5 navires. Il faut aussi les approvisionner. Fromage 984. Porc salé 5700 livres, sardines 200 tonneaux, ail et oignons 450 cordons, miel 1500 livres, Biscuits du marin, 21 300 livres pour 400 000 maravédis. C'est bon. Il faut que je pense au vin de Rérès. Le meilleur pour le moral des marins. 2 rations par jour. C'est comme ça qu'on tient un équipage. Il manque encore le poisson, les armes et les matelots eux-mêmes. Le plus compliqué. Je n'ai pour l'instant que des mendiants et des ivrognes, prêts à vendre leur âme au diable pour une prime. Les Faleiros qui passent son temps à boire sur le port et qui ne m'aident pas. Allons, je tiens dragon. Plus que quelques semaines avant le départ. Michel Chandaine, quel est le profil des hommes que recrute Magellan avec difficulté, hein, on s'en rend compte, et qui accepte d'embarquer comme ça pour l'inconnu? Alors, Magellan veut emporter beaucoup de Portugais. Il a confiance en des gens compétents, et ça, les autorités espagnales ne cessent de s'y opposer, oui, de limiter le nombre de Portugais. Mais en effet, il a du mal, parce que ce voyage semble complètement fou. Personne ne sait d'abord au départ où est-ce qu'il va. Oui. Le fait qu'il y ait 2 ans de provisions à bord fait peur. Donc, il y a plusieurs rôles d'équipage, hein, qui sont notés dans les archives, mais on voit que de semaine en semaine, il change, parce qu'il y a des défections, sans doute des maladies. Donc, finalement, il arrive à recruter 237 hommes. Et parmi ces 237, il y a 139 de nation espagnole, il y a 31 portugais, il y a 26 génois qui sont aussi des marins très compétents, on dénombre 19 français dont 5 bretons, des anglais, des allemands, des flamands, enfin beaucoup de nationalités, mais on sent en effet qu'il y a difficulté à recruter des marins espagnols, hein, ça c'est clair. Et parmi les espagnols, certains sont là clairement pour le surveiller. Il y a quand même une méfiance à l'égard de ce portugais qui est à la tête de cette expédition. C'est le grand problème de cette expédition. Oui. On lui adjoint Juan de Cartagena, quelqu'un dont on ne sait rien, mais tout le monde sait finalement que c'est le fils naturel de l'évêque Rodriguez da Fonseca, le grand maître de la maison des Indes, et il le met sur le bateau avec très clairement, ça c'est toutes les sources, le monde, l'intention de se débarrasser de Magellan au plus vite et de le remplacer. Dès le départ, le ver est dans le fruit. Oui, dès le départ. À bord, il sait qu'il est surveillé, voilà, et des gens veulent sa peau, oui, pour être très clair. Oui, c'est très clairement dit dans les textes. Ouais. Magellan sait qu'il devra se méfier de ses coéquipiers, des hauts gradés qui sont censés le seconder. On imagine l'ambiance à bord des bateaux quand le 20 septembre 1519, les 5 bateaux quittent le port andalou de Sanlúcar de Barrameda. Magellan laisse derrière lui son fils, Diego, et il est loin de se douter de ce qui l'attend. Adieu, Diego. Prends soin de toi, mon fils. Ne pas se retourner. Je ne dois pas pleurer devant l'équipage. Eux aussi quittent des pères, des femmes, des enfants. Ma nouvelle famille, ce sont eux. Et je suis leur père à tous. Je ne dois jamais l'oublier. Que Dieu nous prête vie. Hissez les voiles ! Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter. Dire qu'on est tous ensemble, alors qu'on est tout seul aussi. Dire qu'on est tous ensemble, alors qu'on est tout seul aussi. Dire qu'on est tous ensemble, tout seul aussi. Ça promet. Quand on est tous ensemble, je sens moins. Ça c'est sûr. Quand on est tous ensemble, je sens moins. Ça c'est sûr. Quand on est tous. Ça sent la vie plus douce, plus ensemble. À quoi bon faire des bons soldats sans qu'on tous. À quoi bon tout seul alors qu'on est plein. J'ai pas pu m'en empêcher. Je n'ai j'ai pas prévu de rater de plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP m'a chopé. Je me suis remis à choper. C'était Joe Joa et Lieutenant Nicholson, tous ensemble sur France Inter, le temps d'un bivouac. Où est donc ce passage vers la terre promise qu'on nous fait miroiter ? Nous étions censés faire route vers le paradis terrestre, vers le soleil du sud. Et où avons-nous atterri ? Dans ce vaste océan maudit et gelé. Le vent nous est contraire. Le temps est à la neige, et s'il gèle dans le navire, nous risquons d'y laisser des doigts. Les hommes ont faim. Eh bien, allez vous plaindre à Magellan. Pour qu'il me donne en pâture aux poissons. Vous avez vu par vous-même ce qu'il en coûte de s'opposer à lui. Et si nous décidions de virer de bord, et de faire voile sur l'Espagne? Ils sont nombreux à vouloir faire cela. Oui. Et ils le seront de plus en plus. Michel Chandaigne, l'hostilité déjà présente hein, avant le départ d'une partie de l'équipage envers Magellan, le chef de cette expédition devenue mythique aujourd'hui, cette hostilité ne retombe pas après le départ, au contraire, elle s'amplifie, elle persiste. Mmh. Ah oui, dès le début. D'abord, il y a cinq capitaines espagnols, on peut bien le dire, ne comprennent pas la route que suit Magellan. Et Magellan ne veut rien leur dire. Il est fier de son savoir. Et les navires, par exemple, suivent la côte africaine, très au sud, s'engagent dans le golfe de Guinée. Et les Espagnols ont le sentiment de s'éloigner de l'Amérique, à juste titre. Ils ne savent pas, comme les Portugais, que pour aller en Amérique, il faut prendre les alizés très au sud, sinon on va se retrouver aux Caraïbes. Alors, mais Magellan ne dit rien. Dans la même séquence, hein, déjà, là on est près de l'équateur, Juan de Cartagena refuse de saluer Magellan, comme il en a l'ordre tous les jours d'aller le saluer de son bateau, et Magellan le fait mettre au fer. Mmh. En plus, il y a une atmosphère un peu lourde, parce qu'un des maîtres d'équipage, Antonio Salomon, est pris en flagrant délit de commettre le péché, entre guillemets, contre nature, et il est condamné à mort. Mmh. Donc Magellan montre qu'il est intraitable, mais ça va empirer après. Alors, la stratégie de Magellan, une fois qu'il a regagné la côte de l'Amérique du Sud, c'est de l'allonger et de trouver ce détroit, ce passage dont il suppose l'existence. Sauf que cette côte, elle est très très déchirée. Hein. Oui, alors d'abord, il rentre dans le Rio de la Plata, et là, pendant 15 jours, il va explorer l'estuaire du Rio de la Plata, ce qui avait déjà été fait avant lui, ouais. Mais il voulait être sûr qu'il n'y avait pas de passage au fond de l'estuaire. Et ça va durer qu'un jour. Et après, il continue vers le sud. Et en effet, dès qu'il y a une crique un peu longue, il va l'explorer. Mais là, il va faire de plus en plus froid. Il y a des récifs, c'est des côtes inconnues hein, dont il n'y a pas de cartographie. Et donc dangereuses, avec des coups de vent de plus en plus fréquents. Les conditions de navigation sont si rudes que le 31 mars 1520, Magellan décide d'hiverner dans un estuaire qu'il nomme le port San Julián. Et là, non seulement il fait froid et on hiverne, mais en plus, il rationne son équipage, Michel Chandaigne. Oui, et dès l'arrivée, enfin, dès le lendemain, la mutinerie éclate, hein, fomentée par certains capitaines espagnols, et trois navires, en gros, font sécession. Et trois navires sur les cinq sécession. Oui, hein. Il est presque en minorité à ce moment-là, Magellan. Hein. Alors, Magellan sait manœuvrer à ce moment-là, grâce à la fidélité d'une grande partie de ses hommes, et il faut le dire, de nombreux Espagnols. Hein, tous les Espagnols ne sont pas contre lui. Alors comment il s'y prend pour reprendre la main, alors que trois bateaux sont quand même contre lui ? Il envoie des hommes à lui pour négocier avec un des bateaux, fait assassiner par le prévôt, un des meneurs, et le rapport de force changeant, eh bien, les équipages mutins commencent à hésiter, ils réinvestissent un des bateaux très très vite, donc par surprise, et finalement ils bloquent l'accès aux deux autres qui sont obligés de se rendre. Et là, Cartagena, une quarantaine de mutins, sont mis aux arrêts. Oui, les mutins sont arrêtés, et conformément au droit maritime, c'est le chef de l'expédition, Magellan, qui est chargé de les juger. Avez-vous si vite oublié qui vous servait ? Nous sommes au service de la couronne d'Espagne. Nous sommes au service du roi Charles Quint. Nous n'avons pas failli à notre devoir. Parce qu'en plus, vous êtes un lâche. Et moi qui vous croyais doté de la force d'âme qui caractérise les Espagnols depuis toujours. Nous végétons depuis des mois dans ce désert de glace. Le détroit, plus personne n'y croit. Nous voulons rentrer. Jamais! Je préfère mourir que me désavouer. Nous avons perdu trop d'hommes! Ils sont tombés à l'eau, ou sont morts de froid. Est-ce cela que vous voulez? Au diable vos épices, et au diable votre or! Est-ce là une raison suffisante pour tenter de nous tuer? Vous êtes coupable de mutinerie et de haute trahison. Vous n'êtes plus digne de rester à nos côtés à bord de ce vaisseau. Michel Chandaigne, que vont devenir les mutins? Eh bien, Magellan, d'ailleurs, c'est dit dans les textes, est devant un dilemme. C'est, s'il applique les châtiments prévus, il peut se priver de 40 hommes. Et, ouais. Et donc, il va être, contrairement à ce qu'on dit, assez clément. Il va juste condamner à mort deux des principaux meneurs, Antonio de Coca et son valet, et même il va commuer la peine de son valet en grâce si c'est lui-même qui tue son maître. Voilà. Donc finalement, il y aura une exécution, et les deux autres meneurs principaux, il s'agit de Juan de Cartagena. Le fameux fils d'un évêque influent. Finalement, une haute personnalité, commandant second, et un prêtre, qui était un des plus actifs. Eux, il va les déporter sur la côte, il va pas les tuer, il va les laisser sur la côte en partant avec deux miches de pain, deux épées et une cruche de vin. C'est-à-dire, il va les condamner à une forme de mort. Une mort lente, parce que la côte est déserte. On est en plein hiver, on pense qu'ils n'ont pas survécu. Oui, on imagine quand même le désarroi dans lequel il met ces personnes qu'il laisse sur la côte, voyant s'éloigner les cinq navires ensuite. C'est très fort, mais il n'a pas osé le tuer. Et les 40 autres mutins sont graciés. Mais ils vont faire profil bas tant que Magellan seront vivants. Et tous les capitaines des navires vont devenir portugais ou des Espagnols, mais qui l'ont soutenu pendant la mutinerie. Donc la donne change, Magellan a repris la main. Magellan a repris la main. Durant cette escale, il perd un des cinq navires. Oui, alors il y a le Santiago, le plus petit, qui part en exploration, qui fait naufrage peu avant le détroit. Bon, il n'y a qu'un mort, un esclave noir, mais les survivants vont regagner à pied la flotte. Donc il n'y a plus que quatre navires. Et c'est aussi pendant cette escale, qui va durer 4 mois, qu'ils vont rencontrer les fameux Patagons. Ouais. Les Indiens, ces géants, décrivent-ils. Oui, ils les décrivent. Alors en tout cas, Pigafetta, qui est chargé de relater le récit, décrit des géants. Ils étaient si grands que ça, ces Patagons. L'archéologie montre qu'ils avaient entre 1m70 et 1m80, ce qui était énorme à l'époque. C'est Magellan qui était tout petit. Oui, c'est ça. Les Européens faisaient moins d'1m60 en moyenne à l'époque. Donc en effet, ils sont grands, ils sont à moitié nus, pieds nus, ils sont très imposants physiquement, donc il les décrit comme des géants, mais bien sûr, après, l'imagination des chroniqueurs va amplifier ces géants qui vont atteindre 3 mètres dans certaines chroniques. Mais c'est la première rencontre qui est très belle, très bien décrite, très émouvante avec ces géants Patagons qui sont des Indiens Tehuelche qui habitent dans ces contrées. À la fin de l'hiver, ils ne sont donc plus que 4 navires et ils repartent à la recherche de ce fameux passage. Les 4 bateaux vont finir par trouver la bonne embouchure. Oui, très vite, parce que l'hivernage a lieu par 49 degrés de latitude sud, et 3 degrés plus tard, plus loin, disons au sud, ils vont rencontrer l'entrée du détroit. Ils vont s'y engager, et de proche en proche, ils vont découvrir ce chenal, qu'ils vont appeler chenal de tous les saints, parce que c'est le jour de la Toussaint qui le découvre, et qu'on va devenir très vite le détroit de Magellan. Ouais. Alors ce détroit, c'est un véritable labyrinthe aquatique, comme nous le raconte Isabelle Autissier. C'est pas rectiligne, hein, c'est pas un canal, hein, c'est un ensemble de baies et d'îles donc naturelles, avec des endroits qui sont des baies, qui sont des cul-de-sac, effectivement, puis avec des endroits où ça communique, on passe et puis on arrive dans une autre sorte de renflement comme ça. Le temps d'explorer toutes les fausses pistes et après de revenir dans la bonne, oui, ça peut prendre du temps. À deux quarts par tribord avant. Je vous l'avais dit. Et globalement, moi, je trouve qu'ils s'en tirent plutôt bien, plutôt même très bien. Plus on va vers l'ouest, plus on trouve du relief, plus on trouve du vent fort, et plus on est dans un régime vraiment de tempête, avec de la pluie et du brouillard, puisque toute l'eau drainée par les flux de nuages qui arrivent du Pacifique se déverse au niveau de la cordillère. Donc plus ça va, je dirais, moins ça va quand même, grosso modo. Donc ils ont persisté dans cette histoire. Je crois que ça, c'est vraiment, d'un point de vue de navigation, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Michel Chandaigne, durant la traversée du détroit, il n'accoste pas hein, sur les côtes et il distingue des fumées, d'où le nom de terre de feu. Oui. C'est un endroit un peu terrifiant. Hein, oui, c'est un endroit désert, il ne voit aucun indien, rien. Sauf en effet ces fumées au sud, ces fumées indiquent la présence d'habitants mais qu'ils ne verront pas. Pendant la traversée de ce détroit, une nouvelle trahison, bateau fait défaut. Oui, alors, au milieu du détroit, un des bateaux, mais commandé d'ailleurs par un Portugais, Esteban Gomes, va déserter. Il y a à bord de ce bateau, qui est le plus gros, qui est le San Antonio, 57 hommes. Et ce bateau va déserter, on sait pourquoi. Esteban Gomes a bien vu que Magellan a trouvé le détroit, donc il y a un passage, et il décide de revenir avec, je pense, pas mal d'officiers. Donc il va destituer le commandant de ce navire, qui est Alvaro de Mezquita, le cousin germain de Magellan, on va le mettre au fer. Et il décide de revenir, pourquoi? Parce qu'il pense que cette expédition va à sa perte, et il va à Séville pour annoncer la découverte du détroit, et en espérant qu'on va lui donner des hommes, des bateaux, et pour mener une expédition dont lui va tirer la gloire. Et ce bateau va revenir à Séville en mai 1521 avec 55 hommes. Alors Magellan essaye hein, dans un premier temps de retrouver ce bateau, ne comprend pas pourquoi il ne suit plus et il ne le retrouvera jamais. Alors là, il fait une escale au milieu du détroit, dans une escale très poissonneuse, ils vont l'appeler la baie des Sardines, et les trois navires vont attendre une dizaine de jours le retour du San Antonio. Magellan va envoyer la Victoria à la recherche, qui va revenir jusqu'à l'entrée du détroit, et quand la Victoria reviendra, on constatera la désertion de ce navire. Quand il ressort de ce détroit, Magellan est à la tête de seulement trois bateaux, et une très longue traversée du Pacifique les attend, le plus dur reste à faire. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I'm flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? C'était Sailing de Rod Stewart, une chanson de 1975 sur France Inter, le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Dans le sillage de Magellan en compagnie de Michel Chandaigne qui a publié Le Voyage de Magellan 1519-1522, la relation d'Antonio Pigafetta du premier tour du monde. Si l'on connaît si bien ce voyage, c'est grâce à Antonio Pigafetta qui va embarquer aux côtés de Magellan. Qui est-il, Antonio Pigafetta? Antonio Pigafetta est un Italien et il s'embarque, il le dit, hein, par curiosité, puis aussi dans l'espoir d'en tirer quelque honneur. Et il va livrer un récit à son retour qui est considéré comme un des plus beaux récits de voyage de cette époque, et il l'est. Et c'est grâce à Pigafetta, en effet, que le voyage de Magellan a été connu et qu'il fascine encore, même si il y a d'autres témoignages, hein, mais c'est celui de Pigafetta le plus beau. Oui. Nous avions laissé Magellan à la sortie du détroit qui porte son nom, à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Devant lui, le plus grand océan de la planète. Océan qu'il trouve très calme dans un premier temps. Bah oui, c'est pour ça qu'il l'appelle Pacifique. Ouais. C'est lui qui le baptise Pacifique. Oui, Pacifique, parce que cet océan qui avait été découvert par Balboa en 1513 avait été nommé Mer du Sud, parce qu'il se trouvait au sud de l'isthme de Panama. Mais là, trouvant très calme, c'est dans le texte de Pigafetta, il est baptisé Pacifique. Ouais, alors la traversée de cet océan Pacifique va être longue et assez épouvantable. Je vous propose d'écouter le récit qu'Antonio Pigafetta, justement, fait de cette interminable traversée. Mercredi 28 novembre 1520, nous saillîmes hors du dit détroit et entrâmes en la mer Pacifique, où nous demeurâmes 3 mois et 20 jours sans prendre vivre ni autre rafraîchissement. Nous ne mangions que du vieux biscuit tourné en poudre, tout plein de verre et puant, pour l'ordure de l'urine que les rats avaient faite dessus et mangé le bon. Et buvions une eau jaune, infecte. Nous mangeons aussi les peaux de bœuf qui étaient sur l'antenne majeure et qui étaient très dures à cause du soleil, de la pluie et du vent. Et nous les laissions par 4 ou 5 jours en la mer, puis les mettions un peu sur les braises et ainsi les mangions. Et encore des rats qui coûtaient 1/2 écu l'un, et encore ne s'en pouvait-il trouver assez. Outre les maux de sudit, ce mal que je dirais était le pire. C'est que les gencives de la plus grande partie de nos gens croissaient dessus et dessous, si fort qu'ils ne pouvaient manger. Et par ainsi, ils mouraient, tant qu'il nous en mourut 19. Lecture du journal de Antonio Pigafetta, extraite de l'émission Tout un monde, diffusée en 2007 sur France Culture. Alors, il est fait état, hein, dans cette lecture de 19 morts, mais cette traversée n'a pas été si meurtrière en réalité, Michel Chandaigne. Oui, ça c'est une grande découverte des récentes études. Si on recoupe toutes les sources, on ne s'aperçoit qu'il n'y a eu que 9 morts jusqu'aux Mariannes, et, ou 10 si on compte celui qui est mort juste après, l'escale des Mariannes. Et par rapport au texte de Pigafetta, il y a un hiatus qui ne peut s'expliquer que par une coquille dans les premières copies du texte de Pigafetta. Oui. On ne le connaît que par des copies. En recopiant le texte, quelqu'un s'est trompé et a changé le 9 en 19. Très bien, 10 ou 9 morts, ça devient 19. Mais même s'il y avait 19 morts, il y avait 166 marins à la sortie du détroit. 19 sur 166, c'est très très peu. Oui. Alors pourquoi justement, malgré les conditions si rudes, pourquoi si peu de morts? Alors c'est là où on montre qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ce voyage, c'est que c'est la désertion, c'est-à-dire du San Antonio, c'est-à-dire un événement qui aurait pu ruiner l'expédition, qui va la sauver. Donc lors du passage du détroit, ce bateau qui fait défaut. Pourquoi? Parce que dans l'escale, les bateaux qui pendant 10 jours attendent le San Antonio, est-ce qu'il va revenir, est-ce que la Victoria va le trouver, eh bien les autres bateaux sont à l'ancre et les équipages se décourdissent les jambes. Et dans cette zone, pousse beaucoup, toujours aujourd'hui, un céleri sauvage, Apium australis, un céleri très très riche en vitamine C. Et les hommes vont en consommer, et non seulement ils vont en consommer, mais une source très peu connue dit qu'ils en font des conserves dans du vinaigre. Et il faut savoir que le vinaigre, qui est un acide, conserve parfaitement l'acide ascorbique qui est la vitamine C. Et c'est cette ingestion massive de céleri dans le détroit et ses conserves qui va protéger l'équipage de Magellan, et il y aura très peu de morts. Alors en plus, Pigafetta est sur la Victoria, et lui il décrit en effet le scorbut qui sévit. Et en effet, les 9 morts ont tous lieu sur la Victoria. Les autres bateaux sont protégés. Pourquoi ? Parce que la Victoria était le bateau qui est allé chercher le San Antonio, et donc l'équipage de Victoria a dû beaucoup moins manger de céleri et en ingérer et a pu en faire moins de conserves. Donc les morts seront plutôt sur la Victoria. Ouais. À quoi ça tient la réussite d'une expédition celle-ci, des conserves de céleri sauvage ? Et finalement la désertion qui provoque cette escale forcée. Incroyable. Et pour finir la démonstration, 4 ans plus tard, il y a 7 bateaux qui traversent le détroit. C'est l'expédition d'Elcano. Le survivant, le capitaine qui était revenu 4 ans avant, eh bien, ils ne vont pas s'arrêter, ils ne vont pas prendre de céleri, et le scorbut va les décimer pour le coup. Donc, la seconde expédition a été une hécatombe, comme toutes les suivantes d'ailleurs, mais celle de Magellan, non, miraculeusement préservée par cet incident de voyage. Alors, après 3 mois et 20 jours, les bateaux accostent enfin. On imagine quand même qu'ils sont mal en point, malgré le céleri. Bien sûr, oui. Alors, où accostent-ils pour la première fois? Pendant la traversée du Pacifique, ils observent 2 petits îlots, sans doute des atolls, ils ne peuvent pas y aborder, donc ils ne peuvent pas se ravitailler. Ils arrivent aux Mariannes. Et là, ils vont pouvoir se ravitailler dans des conditions difficiles, parce que les habitants vont les attaquer. Mais c'est là, enfin, ils vont avoir des vivres frais et pouvoir récupérer leurs forces. Donc, première escale, les Mariannes. Ils vont vite en partir en raison de l'hostilité des indigènes et vont gagner les Philippines, où là, ils vont vraiment récupérer toutes leurs forces. Alors ça, c'est le passage idyllique pour eux. Quand ils arrivent aux Philippines, c'est le paradis. Ils peuvent manger, ils sont bien reçus par les premiers habitants qui leur offrent des vivres et sans doute des femmes, d'ailleurs, d'après les textes. Et là, Magellan sait qu'il est dans les parages des Moluques. Alors, ces îles ne sont pas encore connues en Europe, non. Les Philippines. Donc là, lui qui voulait aussi s'accaparer de nouvelles terres... Il va essayer de faire des alliances, il va d'ailleurs faire du cabotage de port en port pour essayer de faire des traités avec les rois locaux et ainsi servir le roi d'Espagne, mais aussi sa propre cause. Ouais. On peut s'étonner que Magellan n'aille pas tout de suite aux Moluques, qui est le but du voyage, c'est l'ordre. Et mais en effet, il faut trouver des terres pour le roi, le Pacifique était vide, et donc et puis il pense à son avenir. Ouais. Alors, pendant ce voyage, Magellan est accompagné d'un esclave, qu'il a baptisé Enrique, et qui est originaire de Sumatra. Il l'a embarqué avec lui lors d'un de ses précédents voyages du côté de Sumatra. Or, sur une des îles des Philippines, Limasawa, Enrique va faire une découverte. Hop, hop, t'es là-haut. C'est là-bas, Ramallah. En fait, je comprends ce qu'ils disent. Ah bon? Tu en es sûr? Je ne comprends pas tout, mais il y a des mots qui sont les mêmes. Et sais-tu ce que cela signifie? Oui, maître. Cela signifie que nous approchons de chez moi. Et de notre but, Enrique! Enrique comprend en partie la langue locale. Autrement dit, il n'est plus très loin de chez lui, Michel Chandel. Oui, c'est pas exactement la langue locale. On est dans la sphère où se parle le malais. Les malais étaient les grands navigateurs de l'indonésien jusqu'en Chine. Et donc, Enrique, qui vient de Malaisie, comprend le malais. Il n'a pas fait le tour du monde, mais il arrive dans cette zone où l'on parle malais. Et à cause de ce fait, Stéphane Zweig a dit que voilà qu'il était le premier homme à faire le tour du monde. C'est quand même pas loin. Pas tout à fait, pas tout à fait, mais c'est quand même encore quelques milliers de kilomètres. Mais c'est vrai, il l'a presque fait, à 95%, tout comme Magellan, qui était allé à Malacca. C'est vrai. Alors, en tout cas, Magellan, lui, ne reviendra pas en Espagne, puisque pour lui, la fin est proche. Il va faire preuve d'un manque de prudence, d'un excès de confiance, on dirait, avec ces alliances entre les rois locaux. Il va rentrer dans des conflits qui ne le concernent que moyennement, finalement. Oui, et c'est une des grandes énigmes, une des grandes questions qui se posent sur voyage, sa mort. Il fait alliance avec le roi de Cebu, donc un petit royaume philippin. Tout se passe bien, mais décide d'aller combattre un chef d'une île voisine, Mactan, et de montrer la force des Portugais, alors qu'il avait interdiction dans les instructions royales de combattre les indigènes. il le fait. Alors, est-ce que c'est une inconscience, une sorte de redomontade, de volonté de prouver la puissance des Européens? Il y a d'autres explications. Ouais. Parce qu'il va se battre à 60 contre des milliers d'indigènes. Oui. Et il se sent plus fort avec ses armes. Oui, peut-être on peut dire un manque de lucidité, mais c'est la manière dont il le fait est très curieux, parce qu'il ne prend que peu d'hommes, et il va se retrouver face à des milliers d'indigènes très très motivés, avec des arcs et des flèches. Nous avons déjà remporté des batailles plus difficiles. Ils vont voir ce qu'il en coûte de faire obstacle aux fiers marins du roi. Nous pointâmes les armes à feu sur l'ennemi et tirâmes 30 minutes durant sans lui causer de grands ennuis. Lorsque nous fûmes à court de munitions, les Indiens lancèrent l'offensive. Magellan est mort. Mais jusqu'à la fin, il a fait preuve d'un très grand courage et d'opiniâtreté. Je souhaite que l'histoire n'oublie pas son nom. Magellan meurt le 27 avril 1521. On sait comment exactement, Michel Chandel ? Oui, il meurt sur la plage avec sept autres compagnons sous les coups de lance des indigènes. Les autres qui étaient auprès de lui, hein, une soixantaine d'hommes, battent retraite, rejoignent les chaloupes et les bateaux. Et en effet, cette mort pose question parce qu'en effet, bon, on peut penser qu'il a surestimé ses forces, mais il y a dans les documents... Des documents qu'on a retrouvés très tardivement au XIXe siècle, le journal d'un pilote grec, Albo, qui montre qu'arrivé aux Philippines, et bien d'après les mesures de longitude estimées, les Espagnols étaient arrivés dans la partie portugaise du monde. Donc est-ce que Magellan savait qu'il avait échoué, que les Moluques n'étaient pas dans la partie espagnole? Dans ce cas-là, ça pourrait expliquer ce geste insensé d'aller se battre à un contre-sang. Magellan a échoué. Les Moluques sont bien portugaises. Il ne peut pas revenir au Portugal car c'est un traître. Il y a une flotte qui a été envoyée pour le détruire d'ailleurs. Il ne peut pas revenir en Espagne parce qu'il a combattu les chefs espagnols, les a exécutés ou les a déportés. Et donc ce geste peut sembler un geste désespéré, un acte manqué d'un homme qui sait qu'il a échoué. Ce que je dis là, c'est une hypothèse. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on coupe toutes les sources, on est très troublé par cette mort. Et c'est une hypothèse qui tient la route, même si on a d'autres. Je vous dis l'inconscience d'un homme valeureux. Heureux, mais oui. Plus très lucide. Après avoir survécu à une mutinerie, une traversée de l'Atlantique et du Pacifique, Magellan meurt assez bêtement, finalement. Mais une bonne partie de son équipage est encore en vie. Ce sont eux qui vont écrire la fin de l'histoire, que vous allez nous raconter dans un instant, Michel Chandaigne, dans Le Temps d'un bivouac sur France Inter. Of a memory, another song. far. Yesterday's gone now. All of Your Yesterdays, Mac DeMarco sur France Inter. Nous n'avons pas pu nous faire rendre le corps du Seigneur Magellan. Les Indiens ont dit qu'il le gardait comme le signe de la capture d'un homme courageux. Nous avons repris la mer. Avant de partir, le Seigneur Magellan avait rédigé son testament. Ô Dieu Tout-Puissant, qui a dirigé et dirigera le monde. C'est à toi que j'adresse cet ultime message, par lequel je demande si c'est en Espagne que ma vie présente doit prendre fin et ma vie éternelle commencer. Commentaire de préférence à Séville, dans le cloître de Santa Maria de la Victoria, dans une tombe à part. Si par contre la mort me surprend pendant le voyage, je demande que mon corps soit enterré dans l'église la plus proche, consacrée à la Sainte Vierge. Extrait du testament de Magellan dans la Tribune de l'Histoire en 1991, diffusé sur France Inter. Michel Chandaigne, il n'y avait pas d'église à proximité, là où Magellan s'est fait tuer. Qu'est-ce qu'on a fait du corps de Magellan? Le chef de l'île de Mactan, Lapu-Lapu, a refusé de rendre le corps. Mais il est devenu un héros hein, aux Philippines, toujours aujourd'hui. Il a sa statue, c'est un des grands héros de la résistance des Philippins à l'envahisseur européen. Et donc, son corps a disparu. Il n'y a pas de tombe de Magellan. Mmh. Et trois jours après la mort de Magellan, le roi de Cebu invite les officiers, va les tuer, il y a 26 morts. Voilà. C'était pour ce roi de Cebu hein, que Magellan était parti se battre, et finalement, exactement, une fois mort, le roi de Cebu tend un piège au reste de l'équipage. Il y a une explication qui est donnée par un des marins survivants qui est interrogé à son retour, un Italien, qui dit « Nous avons été massacrés en raison du viol des femmes indigènes ». Ah oui, donc il s'était évidemment mal comporté. Oui, c'est une explication qui semble très, très plausible. Mmh. Alors évidemment, tout le monde rembarque en catastrophe. Là, il y a un navire qui va être brûlé, parce qu'il n'y a plus assez d'hommes pour mener les trois. Et les deux vont continuer leur course. Ils vont passer par Brunei, par toutes sortes d'îles, avant d'arriver aux Moluques. Enfin, les Moluques. Le but des voyages, ils vont charger les navires de girofle. Et là, il y a deux navires. Il y en a un qui va revenir, comme il était prévu, par le Pacifique, qui va échouer, c'est la Trinidad. Ce bateau va être décimé par le scorbut, va revenir aux Moluques, très raisonné par les Portugais qui viennent d'arriver. Mais il y a un bateau, la Victoria, qui décide soudainement de passer par l'ouest, selon la voie des Portugais, oui, qui était alors interdite. Que c'était interdit. Oui, oui. Hein. Et ce sont des Espagnols, et finalement, ils décident, ce bateau-là, de rentrer par la voie bien connue et oui, plus tranquille, en quelque sorte, oui, des Portugais, c'est-à-dire en longeant l'Inde puis l'Afrique. Non, ils vont passer très au sud, ils vont découvrir les Kerguelen, en passage, pour éviter les bateaux portugais, justement. Et sur ce bateau, il y a 47 Européens qui s'embarquent aux Moluques, et il y en a finalement 30 qui vont rejoindre Séville en deux fois. Ouais. Alors ce sont eux les premiers à avoir fait officiellement le tour du monde en bateau. Oui, tout à fait. Le 6 septembre 1522, il y aura 18, en effet, Européens survivants, c'est ce chiffre qu'on cite toujours, mais on oublie que 12 avaient été faits prisonniers au Cap-Vert, et qui vont être libérés dans les semaines qui suivent. Donc il y a 30 hommes qui ont fait le tour du monde, dont un Français, Richard de Faudis, Richard de Normandie, qu'on oublie souvent de citer, mais qui est le premier Français à avoir fait le tour du monde. La voie découverte par Magellan sera-t-elle utilisée? Finalement, à quoi ce voyage a-t-il servi? Eh bien, ça sera un échec financier, puisque les épices rapportées, contrairement à ce qu'on dit, ne vont pas du tout rembourser les frais d'expédition. Mais le roi d'Espagne va envoyer une expédition avec Elcano en 1526, puis une autre après. Et enfin, finalement, le roi d'Espagne va renoncer à la possession des Moluques. Il va se faire payer quand même 350 000 ducats d'or par les Portugais en 1529. Mais la voie découverte par Magellan ne va servir à rien pendant plus d'un siècle, puisqu'elle est trop lointaine, difficile d'accès. Et au fond, cette expédition pour les Espagnols, ça a été un échec, un désastre financier et une expédition inutile. Alors, 5 siècles, tout juste après le départ de cette expédition en 1519, que reste-t-il aujourd'hui de ce voyage de Magellan? Eh bien, le souvenir de la plus grande grande épopée maritime jamais réalisée, et puis symboliquement, bien sûr, le premier tour du monde. Une fois qu'on a fait le tour du monde, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Au fond, Magellan a été très dédaigné par les historiens, encore jusqu'à nos jours. Hein. Ce sont des gens, des romanciers, comme Stefan Zweig, qui s'y sont intéressés, ou des amateurs éclairés en France, comme Léonce Payard, ou en Espagne. Mais finalement, aucun grand historien, grande université ne s'est intéressé à Magellan. Il y a eu des commémorations grandioses pour Colomb, pour Vasco de Gama, et pour Magellan, finalement, il se passe pas grand-chose. Comment vous l'expliquez ? Oh, bah c'est simple. Magellan n'a jamais servi aucune histoire nationale. Pour les Portugais, c'est un traître. Pour les Espagnols, c'est un, on dirait un loser. C'est un Portugais. En Espagne, il n'y a pas une seule statue de Magellan. Au Portugal, il n'y en a que deux. Magellan ne sert aucune cause nationale, ne l'a pas servi sous les dictatures, donc a toujours été un peu dédaigné. Mais c'est peut-être sa chance, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un film avec Depardieu, qu'il y ait des ministres. Pour le 500e anniversaire, oui, vous voulez qu'il dire. Qu'il y ait une sorte de grand flonflon des discours officiels, parce que c'est quand même le premier grand voyage des Européens dans le monde, donc. Mais on va échapper à tout ça. Il y aura quand même eu un temps d'un bivouac dans le sillage de ce Magellan. Si je peux ajouter un mot, je veux dire, c'est aussi parce que les Portugais et les Espagnols continuent leur querelle sur le voyage de Magellan, puisque les Espagnols veulent commémorer le voyage de Magellan et d'Elcano. Les Portugais ne veulent pas entendre parler d'Elcano, qu'ils n'ont jamais pu s'entendre pour des commémorations communes. Merci à vous, Michel Chandaigne. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez publié, Le Voyage de Magellan, 1519-1522, la relation d'Antonio Pigafetta du premier tour du monde. Nous allons mettre les références sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Merci à vous. Merci.